C'est une moustique de merde. Putain de merde. Fait chier ce moustique de merde là. Vous voyez ? S'il n'y avait pas ce putain de moustique de merde, je sais pas où là, qui me fait chier. Il m'a piqué sur le bras ce con.